auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes, tristes sont nos âmes. Réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes. Opposant PFK, pour toi en posant thème. Toute ta vie t'a représenté, hommage, dépose une chrysanthème. Respect, humilité pour un humble militant. Du mal à croire, à plus de voix. Ça reste évident, gravé dans les cœurs, gravé sur les CD à jamais. Donc il fallait qu'on s'y mette pour toi. On lâchera pas l'affaire, c'est clair qu'on a encore des verres à battre pendant qu'elles sont encore chaudes, bouillantes. Depuis l'époque, nous étions mômes, fascinés par le mouvement, le hip-hop. Courage et force à ta famille, autour, à tous tes amis et tout. Les souvenirs qui resteront marqués, c'est fou. Maximum de face pour toi, ça a beaucoup d'importance. On agit en tant que résistant avec évidence. Pour que le message transpire des transistors. Pour que le message transpire des transistors. Tristes sont nos âmes, réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes, tristes sont nos âmes. Réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes. Je pose mon thème pour mon ref qui est parti trop tôt. J'ai du mal à croire que tu sois plus là à cause d'un accident de moto. Que puis-je faire pour ta famille? Que puis-je dire pour tes amis? Essayons de garder tous ensemble la bonne mine pour les jours à venir. J'ai juste 16 mesures pour parler toi et des bons souvenirs que j'ai passés avec toi. C'est clair que tu vas nous manquer, frère. Grâce à toi, je suis fier. Je te fais une grande prière pour tout ce que t'as fait dans le rap français. En effet, avec ATK, vous m'avez toujours fait de l'effet. Respect à Freddy K. Repose en paix, gros. Repose en paix, gros. Tristes sont nos âmes. Réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes. Tristes sont nos âmes. Réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes. Père, respect à ton âme, à toi FK Salam. À ta mémoire les MC s'animent, mon cœur s'abîme. Encore une fois, un des meilleurs qui nous quitte. Quand t'oublies, la mort te rappelle que quand elle arrive, elle ne fait pas de bruit. Ce n'est pas qu'une vie qu'elle détruit, c'est un bout de chacun de nous qui te suit, Freddy. Ce n'est pas de faire le mal et d'en payer le prix. T'en es la preuve en personne, putain personne n'est à l'abri. Une pensée pour ta famille qui endure ta disparition prématurée. On les soutiendra pour passer cette épreuve et ça c'est naturel. T'étais méticuleux, ambitieux, voulais toujours faire au mieux. Pour eux, tes proches pour qui tu déchirais en deux. Écoute nos pleurs du papier vers les cieux. Tristes sont nos âmes, réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes, tristes sont nos âmes. Réagis comme un homme, mon homme. La tristesse comme une douleur particulière, mon homme. Ce sentiment s'élargit comme auprès des grands qu'auprès des mômes. Tristes sont nos âmes.